Chapitre 8e, Violaine. Depuis 3 jours, Violaine sentait monter en elle une vague angoisse. Que devenait Hervé? Elle ne l'avait plus revu après l'heure délicieuse où tous deux s'étaient avoué leur amour. Ni Roselin, ni Daubigné, ni la Varenne n'avaient reparu non plus à l'hôtel de Mauvillier. Que signifiait cette absence incompréhensible, ce silence de tous? Étaient-ils partis tous les quatre? Non. Ils fussent venus prendre congé de Violaine et de ses parents. La jeune fille se décida à envoyer le fidèle Godefroy s'informer adroitement à l'hôtellerie des trois rois mages. Le vieux serviteur se rendit donc rue Saint-Bernard. Il fut assez longtemps à revenir. Lorsqu'il reparut auprès de la jeune fille, elle fut frappée de sa mine consternée. « Qu'y a-t-il, Godefroy ?»« Ah, mademoiselle, monsieur de Montréal. »« Eh bien, » fit Violaine, dont le sang afflua au cœur. « Il est arrêté. »« Arrêté ? » répéta-t-elle, croyant avoir mal compris. « Oui, cette nuit, par ordre du gouverneur. »« Et pourquoi, grand Dieu ?»« Comme faux monnayeur. »« Lui ?»« Et monsieur le baron de Givry a failli être assassiné. »« Ah, c'est épouvantable. Souffrez que j'aille me remettre en buvant l'hypocrase. » Pâle et résolue, Violaine descendit au cabinet d'Urbain. Le sire de Mauvillier était seul, travaillant, l'air sombre, le front barré d'une ride. « Père, dit la jeune fille, je croyais que le gouverneur était à Paris, à la cour, depuis 2 semaines. C'est vrai. Pourquoi cette question? Lorsqu'il s'absente, n'est-ce point vous qui le remplacez? Ah, ça, mon enfant, tu me demandes là une chose que tu sais depuis longtemps. En ce cas, mon père, qui donc a été assez hardi pour faire arrêter hier soir, au nom du gouverneur, le chevalier Hervé de Pont-Réal? Urbain sursauta dans son fauteuil. Il était loin de s'attendre à ce coup droit. Mais par une maîtrise subite de lui-même, il comprit qu'il fallait accepter la bataille. Il viendrait facilement à bout de cette frêle enfant. « Qui ? » répéta-t-il. « Moi. »« Vous ? Vous, mon père ? Mais c'est impossible !»« Cela est, néanmoins, » déclara froidement Urbain. « Et vous avez cru à cette accusation de fausse monnaie ? Vous qui connaissez ce gentilhomme, qu'il avait reçu chez vous, qui lui devait la vie de votre fille bien-aimée ? Violaine ! » fit sévèrement le lieutenant-gouverneur. « Vous oubliez à qui vous parlez. Vous êtes une enfant, et je sais mieux que vous à quelles obligations mes fonctions m'exposent. »« Alors pourquoi, mon père ? » s'écria la jeune fille avec une indignation sublime. « Pourquoi ne pas m'avoir dit cela ce matin à table lorsque je vous parlais de monsieur de Pont-Réal et de ses amis ? » ?»« Parce que je ne voulais pas vous alarmer par cette nouvelle. Et maintenant, Violaine, je vous prie de me laisser. » Les questions de cette sorte ne sont point du ressort d'une petite fille. Le ton n'admettait pas de réplique. Violaine se retira, désolée, au paroxysme de la douleur. Revenue chez elle, elle s'habilla promptement, fit prévenir Godefroy de s'apprêter à l'accompagner et sortit avec son fidèle domestique. Elle se dirigea aussitôt vers l'hôtellerie des trois rois mages et, sans s'arrêter à ce que sa démarche avait d'insolite, se fit annoncer à Givry. « Vous, mademoiselle ? » s'écria Roselin, aussitôt accouru. Je viens de tout apprendre, dit-elle, haletante d'émotion. Je veux tout tenter pour tirer monsieur de Pont-Réal de sa prison. J'ai sollicité l'intervention de mon père qui me l'a refusé. Il m'a déclaré que Hervé était incarcéré par son ordre et n'a pas voulu me donner d'autres explications. Je suis venu vers vous pour en obtenir. Dites-moi pourquoi Hervé est en prison. Demoiselle, répondit gravement Givry, un seul homme pourrait vous répondre à ce sujet, monsieur de Mauvillier. Oh ! S'écria Violaine avec désespoir. Il y a là un mystère que je percerai. Dût-il m'en coûter la vie ? C'est sans doute là ce qui vous attend, mon enfant, répondit tristement Belcoeur. Et c'est pour cette raison que je vous prie de nous laisser agir, mes amis et moi, sans vous mêler de cette affaire où il y a trop de mystère pour qu'il n'y ait pas ensuite beaucoup de sang. Mais j'aime Herbé. « Vous le savez bien, il m'a sauvé, je veux le sauver aussi. » Sur ces paroles exaltées, elle s'enfuit, sans savoir ce qu'elle faisait, et revint chez elle comme au naturel refuge. Là, dans sa chambre, ses esprits s'apaisèrent un peu. Posément, elle réfléchit. « Savoir, savoir, mais comment ?» Une idée lui vint. Ce coffret, qui est dans le placard de l'oratoire de ma mère, il contient des papiers qu'elle lisait autrefois en prononçant le nom de Briancourt, son premier mari. et aussi le nom d'Hervé, je me le rappelle. Cette cassette, si j'osais la prendre, l'ouvrir, peut-être apprendrais-je. » Au bout de quelques minutes de lutte, d'hésitation, Violaine se dirigea vers l'appartement de Madame de Mauvilliers. Cette dernière se tenait toujours à cette heure dans une sorte de petit salon éloigné de l'oratoire, étendu sur une chaise de repos. Violaine pénétra dans l'antichambre, ouvrit doucement la porte de l'oratoire, y entra et marcha à pas assourdis vers le placard. La cassette était là, sur un rayon supérieur. Violaine s'en empara et, avec les mêmes précautions, sortit de l'appartement de sa mère pour regagner le sien. Elle ferma la porte et, le cœur battant à se rompre, elle contempla la cassette. C'était un coffret de bois précieux, sculpté, incrusté d'argent, avec des ferrures ciselées et patinées par le temps. En appuyant sur une des ferrures, Violaine sentit que le couvercle s'ouvrait. Maintenant elle brûlait de la frénésie de savoir. Le couvercle soulevé laissa voir des parchemins jaunis. Un à un, Violaine examina les papiers. Des actes de propriété, des baux et des fermages contractés jadis par le sire de Briancourt, un arbre généalogique de la famille de sire Ludovic, puis un acte de mariage de haut et puissant seigneur Ludovic Jean-Abbé de Briancourt, comte de Tressac, baron des Villers et seigneur de plusieurs autres lieux, avec noble et puissante demoiselle Charlotte Clémence d'Allier. « Tiens, murmura Violaine, la première femme de sire Ludovic, la cousine de mère. » Elle continua à parcourir les parchemins et bientôt s'arrêta, frémissante, à l'un d'eux. C'était l'acte de naissance du Hervé Luc Charles de Briancourt, fils de Louis et de Charlotte d'Allier. L'acte était signé de l'abbé Patrice, curé de Tressac, du Bailly et du Sénéchal. Violaine poussa un cri. Jamais elle n'avait su que le sire de Briancourt avait eu un fils. Personne d'ailleurs, en sa présence, ne parlait du premier mari de Madame de Mauvilliers. « Hervé ? » s'exclama-t-elle. « Hervé de Briancourt. Alors, c'est lui, c'est Hervé de Pont-Réal ? Ce serait le beau-fils de ma mère ?» Fébrilement, elle fouilla encore, trouva l'acte de décès de Hervé de Briancourt à l'âge de 2 ans et 5 mois. Là encore, la signature de l'abbé Patrice. « Voyons, c'est impossible. Le fils de sire Ludovic serait mort tout jeune. Ce n'est donc pas le même que Hervé de Pont-Réal ? Et cependant l'âge est identique, l'an 1567, il y a 18 ans. » La tête bruissante, elle reprit son examen enfiévré. Un acte de décès du sire de Briancourt en 1568. « 1568 ?» murmura machinalement Violaine. « L'année de ma naissance, oui, août 1568, et moi, octobre. » Ses mains remuaient les quelques papiers qui étaient encore au fond de la boîte. Elle sentit un corps dur sous ses doigts et le retira. Un cri jaillit de ses lèvres. « Hervé !» Elle tenait une miniature représentant un homme de 25 ans à peu près, dont les traits étaient ceux du jeune chevalier de Pont-Réal. « Hervé ! Hervé ! » répétait-elle. « Lui, et les armes des Briancourt, à l'angle, les deux merlettes, le croissant des croisades, le chevron. Oh mon Dieu, mais je ne comprends plus, je ne comprends plus !» Les yeux rivés sur le portrait, elle haletait, bouleversée. « Ce n'est pas Hervé. Il y a écrit là André le Hardouin, Pinxit, Paris, 1545. Voici 45 années. Non, ce n'est pas Hervé. Qui est-ce alors? Comme il y ressemble !» Elle retourna la miniature et au dos vit deux lignes d'écriture et une signature gâtée par le temps. Elle déchiffra. « À Charlotte, ma douce mie, que point aimé ne saurait mie. Novembre 1563, Ludovic de Briancourt. » « C'est le portrait de sire Ludovic, » murmura Violaine. « Il a dû le donner en prison à sa fiancée Charlotte d'Allier. Oui, novembre 1563. Ils se marièrent l'année suivante. Et un fils naquit en 1565, leur fils, Hervé. Et cette ressemblance avec mon Hervé à moi, et l'âge qui concorde, et le prénom, et le nom, et l'abbé Patrice mêlé à tout cela, mon Dieu, mais alors, ce sera le même? Hervé de Pont-Réal sera le fils de Ludovic de Briancourt, le premier mari de ma mère? » Violaine resta les yeux hagards, la bouche convulsée, et soudain, demi-folle. « Mon Dieu, horrible, lui, elle, oh, j'ai peur de comprendre, je serai... » Elle s'arrêta, figée d'effroi. Une portière de velours en face d'elle venait de se soulever et Madame de Mauvillier, tragique dans sa lividité spectrale, se dressait sur le seuil.